Jérémie chapitre 13. Ainsi m'a dit l'Éternel, va, et achète-toi une ceinture de lin, et mets-la sur tes reins, et ne la mets point dans l'eau. J'achetai donc une ceinture selon la parole de l'Éternel, et la mis sur mes reins. Et la parole de l'Éternel, me fut adressée pour la seconde fois, en disant, prends la ceinture que tu as achetée, et qui est sur tes reins, et te lève, et t'en va vers l'Euphrate, et la cache là dans le trou d'un rocher. Je m'en allai donc, et la cachai dans l'Euphrate, comme l'Éternel m'avait commandé. Et il arriva que plusieurs jours après l'Éternel me dit, lève-toi, et t'en va vers l'Euphrate, et reprends de là la ceinture que je t'avais commandé d'y cacher. Et je m'en allai vers l'Euphrate, je creusai, et je repris la ceinture du lieu où je l'avais cachée, et voici, la ceinture était pourrie, et n'était plus bonne à rien. Alors la parole de l'Éternel me fut adressée, en disant, ainsi a dit l'Éternel, je ferai ainsi pourrir l'orgueil de Juda, et le grand orgueil de Jérusalem. L'orgueil de ce peuple très méchant, qui refuse d'écouter mes paroles, et qui marche selon la dureté de leur cœur, et vont après d'autres dieux pour les servir, et pour se prosterner devant eux, tellement qu'il sera comme cette ceinture, qui n'est bonne à aucune chose. Car, comme une ceinture est jointe sur les reins d'un homme, ainsi j'avais joint à moi toute la maison d'Israël, et toute la maison de Juda, dit l'Éternel, afin qu'ils fussent mon peuple, mon renom, ma louange et ma gloire, mais ils n'ont point écouté. Tu leur diras donc cette parole-ci, ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, tout vaisseau sera rempli de vin. Et ils te diront, ne savons-nous pas bien que tout vaisseau sera rempli de vin? Mais tu leur diras, ainsi a dit l'Éternel, voici, je m'en vais remplir d'ivresse tous les habitants de ce pays, et les rois qui sont assis sur le trône de David pour l'amour de lui, et les sacrificateurs, et les prophètes, et tous les habitants de Jérusalem. Et je les briserai l'un contre l'autre, les pères et les enfants ensemble, dit l'Éternel, je n'en aurai point de compassion, je ne les épargnerai point, et je n'en aurai point de pitié pour ne les point détruire. Écoutez et prêtez l'oreille, ne vous élevez point, car l'Éternel a parlé. Donnez gloire à l'Éternel, votre Dieu, avant qu'il fasse venir les ténèbres, et avant que vos pieds bronchent sur les montagnes dans lesquelles on ne voit pas clair, vous attendrez la lumière, et il la changera en une ombre de mort, et la réduira en obscurité. Que si vous n'écoutez ceci, mon âme pleurera en secret à cause de votre orgueil, et mon œil versera des larmes en abondance, même il se fondra en larmes, parce que le troupeau de l'Éternel aura été emmené prisonnier. Dis au roi et à la régente, humiliez-vous, et vous asseyez sur la cendre, car la couronne de votre magnificence tombera de dessus vos têtes. Les villes du Midi sont fermées, et il n'y a personne qui les ouvre, tout Juda est transporté en captivité, il est universellement transporté. Levez vos yeux, et voyez ceux qui viennent de l'Aquilon. Où est le parc qui t'a été donné, et ton magnifique troupeau? Que diras-tu quand il te punira? Car tu les as enseignés contre toi pour être supérieurs sur ta tête, les douleurs ne te saisiront-elles point, comme elles saisissent la femme qui enfante? Que si tu dis en ton cœur, pourquoi me sont arrivées ces choses? C'est pour la grandeur de ton iniquité que tes habits ont été retroussés, et que tes talons ont été serrés de près. Le mort changerait-il sa peau, et le léopard ses taches? Pourriez-vous aussi faire quelque bien, vous qui n'êtes appris qu'à mal faire? C'est pourquoi je les disperserai comme du chaume, qui est emporté ça et là par le vent du désert. C'est ici ton lot, et la portion que je t'ai mesurée, dit l'Éternel, parce que tu m'as oublié, et que tu as mis ta confiance au mensonge. À cause de cela, j'ai retroussé tes habits sur ton visage, et ton ignominie paraîtra. Tes adultères, et tes hennissements, l'énormité de ta prostitution est sur les collines, par les champs, j'ai vu tes abominations. Malheur à toi, Jérusalem, ne seras-tu point nettoyé, jusqu'à quand cela durera-t-il ?